Bonsoir. Au nom du Centre de l'Universalité, je vous souhaite la bienvenue à cette conférence du 27 avril 1984, intitulée « La réincarnation » avec Daniel Kemp. Bonsoir, Daniel. Bonsoir. La réincarnation. Commence vite, hein, table. Quelle est... Parce qu'on veut en dire plus. Ah oui, oui, il faut. Quelle est ta version de la réincarnation? Ma version de la réincarnation, c'est une version qui n'est pas tellement vraie. Fait que je parlerai pas trop de ma version, on va parler de la réincarnation comme elle est. Quand j'étais jeune, moi, j'ai découvert la réincarnation en lisant des livres de Lobsang Rampa. Et puis, j'étais jeune à l'époque, j'avais une dizaine d'années. Puis j'aimais ça parce que ça me rassurait de penser qu'on pouvait revenir, puis surtout de penser que les choses que j'aimais, je pouvais les revoir. Mais après ça, j'ai vieilli, puis à l'âge de 12 ans, je me suis rendu compte qu'il n'y a pas rien que ce qu'on aimait qu'on était pour revoir, mais tout ce qu'on n'aimait pas aussi, on était pour le revoir. Fait que là, la réincarnation était moins plaisante. La réincarnation, ça a été enseigné à l'homme il y a de cela quelques continents. Ça fait on approche des millions d'années. Et puis, c'est un principe qui permet à l'homme... Quand je dis l'homme, je parle pas de son corps physique. Le corps physique a une évolution qui se fait à l'échelle de la planète. La planète se réincarne à coups de milliards d'années. Mais c'est-à-dire que la planète se désagrège pour l'esprit de la planète aller dans une autre planète. Alors, c'est une forme de réincarnation. La chose qui était importante, moi, ce qui me concerne à l'époque, c'était pas de savoir comment on se réincarnait, mais d'essayer de comprendre les mystères de l'incarnation. Parce qu'avant de penser à la réincarnation, il a fallu qui viennent un jour où on était incarné. Incarné, ben, ça veut dire prendre corps, dans un corps humain, non pas dans un corps de matière solide, là, un corps organique. Alors, ce qui fait que, pour mieux comprendre la réincarnation, justement, il faut commencer par essayer de voir un tout petit peu les facettes de l'incarnation de l'esprit, de la monade, dans le corps qu'on appelle l'homme. Parce que l'homme, c'est pas un corps. Le corps physique, c'est un véhicule, et puis dans ce véhicule-là, se trouve réuni, premièrement, une espèce d'énergie qu'on appelle la vitalité, l'énergie, le corps vital. Se trouve réuni aussi un schéma, une espèce d'endroit où peut se loger la mémoire de ce que ce véhicule-là va vivre. Alors, on peut enregistrer sur cassette des choses. Mais dans l'homme, il y a des choses aussi qui sont enregistrées, mais pas dans une matière aussi solide que ce qu'on a dans le domaine de la matière, mais dans une matière qui est beaucoup plus subtile, qu'on appelle l'astral. Cet astral-là, l'homme, quand l'homme est apparu sur la Terre, l'homme n'est pas apparu dans le corps d'un animal. C'est-à-dire que l'esprit divin de l'homme, n'est pas apparu dans un corps d'animal, puis par après, ce corps-là a évolué au cours des années pour donner le corps qu'on a aujourd'hui. Il y a eu une évolution qui s'est faite, une évolution qui était matérielle, une évolution qui était vitale, une évolution qui était astrale, donc psychologique, dans la matière solide comme la roche, dans les plantes qui, eux, ont un début de corps astral, dans les animaux qui, eux, ont un astral plus ou moins développé, c'est-à-dire qui a accès à différents niveaux de la sphère astrale. Alors, un animal peut avoir accès au premier, deuxième, troisième niveau astral. Le monde astral est divisé approximativement en 7 niveaux qui se teignent de l'un l'autre. L'homme est apparu sur la Terre quand il y a eu un corps suffisamment évolué pour permettre à l'esprit de l'homme de pouvoir s'incarner dans un véhicule qui lui permettrait de pouvoir acquérir des expériences dans le domaine de la matière. Alors, ce qui fait que l'homme n'est pas apparu dans un crustacé ou dans un trilobite à l'époque préhistorique, et puis par après, il y a eu évolution. Il y a eu une race qui a déjà existé sur la Terre, sur la Lémurie, qui était une race de ce qu'on peut appeler l'homme, pas l'être humain, ben pas dans le sens, en tout cas, où l'homme va devenir humain d'ici les quelques années qui viennent. Il y a eu une espèce de forme vivante qui ressemblait à nos amibes, mais qui était un peu plus grande, puis qui se divisait par mitose, alors, bref, qui, moi je sais ça, en tout cas, qui se scindait en deux simplement pour former deux êtres identiques. Alors, que comme un amibe, on a un amibe ou une cellule. La cellule va se diviser en deux, ça donne deux cellules qui vont grandir jusqu'à une certaine grandeur et là, ils vont se rediviser encore. À cette époque-là, la procréation se faisait comme ça, par germination ou par mitose. Alors, ce qui arrive, c'est que ces êtres-là ont pu recevoir un esprit, ont pu commencer à être en contact avec ce qu'on pourrait appeler le plan mental, ce qu'on pourrait appeler surtout le plan, pas supramental, mais un peu plus haut que ça, le plan divin. Alors, ces formes d'énergie matérielle-là ont pu devenir ce qu'on peut appeler des hommes. Il est venu un temps où cette forme de procréation au cours des années sur ce continent-là a évolué et s'est transformée. Les êtres sont devenus sexués, c'est-à-dire qu'on a eu des êtres, disons, femelles et des êtres mâles. Ces êtres-là ont commencé à engendrer une nouvelle race parce que là commence le principe de la réincarnation sur la Terre. Ils ont pu engendrer une nouvelle race parce que chaque entité mâle et femelle avait la possibilité de pouvoir vivre deux expériences absolument différentes et après venir se scinder ensemble pour engendrer une nouvelle entité. Celle-là avait, dans son code génétique physique et vital, l'expérience des deux corps physiques qui l'ont engendré, mâle et femelle, qui ont engendré l'enfant. Et puis, en plus, cette nouvelle entité-là avait aussi à l'intérieur d'elle une forme réincarnative des personnalités individuelles des deux individus qui l'ont créée. On va revenir à ça. Une partie de cette race-là, d'ailleurs, a refusé cette progéniture-là, c'est-à-dire de procréer d'une façon sexuée. Mais l'évolution de l'homme, c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter. Alors, un jour, on va devenir ça, puis on s'en va vers ça, puis on n'a pas le choix. Alors, ce qui est arrivé, c'est que ceux qui ont refusé ont vu leur race s'éteindre lentement. Et puis, tout d'un coup, ils ont décidé d'essayer de copier ceux qui procréaient, qui eux autres avaient une tribu, puis qui avaient des... Bon. Mais sauf qu'eux autres se sont affiliés avec certains animaux qui vivaient à cette époque-là. Alors, ça a engendré différents types de singes selon les différents animaux qui ont été... Le singe est intelligent, mais le singe, de par son aberration physique, n'a pas pu être approché par les entités divines ou encore par ce qu'on pourrait appeler les hiérarchies qui ont créé justement l'homme. Quand je parle de l'homme, parlons du corps physique de l'homme, le véhicule. Alors, une fois que ces êtres-là, de par leur possibilité d'engendrer un corps de plus en plus adéquat au niveau humain, par l'expérience, par le mélange des personnes vivant sur différentes terres. Alors, on sait aujourd'hui, par exemple, que si tu as un mélange au niveau racial, ben, les enfants sont normalement plus forts parce qu'ils vont acquérir les caractères héréditaires solides des deux races. Alors, si on prend une race jaune, une race blanche, une race noire, une race rouge, ben, si tu as une procréation en mélangeant ces races-là, tu vas avoir des enfants qui, normalement, vont être plus forts. La race s'en ressort plus fort. Si, par contre, tu as une progéniture qui va être co-sanguine, ben, tu perds énormément de caractères. Tu vas surtout donner les caractères qui vont être faibles de la race. Alors, ce qui fait qu'après un certain temps, ben, si les frères et les sœurs se marient ensemble, on finit par avoir une espèce de corps physique décadent. À l'intérieur de ce corps physique décadent-là, tu peux avoir un esprit extrêmement évolué qui va vouloir venir prendre ce véhicule-là pour pouvoir acquérir des expériences, mais elle ne pourra pas le faire d'une bonne façon qui va être efficace. Alors, ce qui fait que c'est normalement des esprits non évolués, c'est-à-dire que c'est des formes astrales très, très denses qui vont venir s'incarner dans ces corps-là pour en profiter, mais tu vas avoir des personnes qui vont frôler l'idiotie, là. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'au fil de l'évolution, au fil des ans, les corps physiques, c'est important parce qu'il n'y a pas de réincarnation intelligente s'il n'y a pas en même temps une procréation de corps physiques qui puisse contenir l'intelligence de l'être qui veut se réincarner. Si toi, tu peux te réincarner, puis la seule chose que tu as pour te réincarner, c'est un cochon, ben, tu auras beau être l'homme le plus intelligent du monde, tu n'auras pas un corps physique pour pouvoir faire quoi que ce soit parce que les pattes du cochon ne peuvent pas tenir un verre d'eau, tu vas pouvoir parler de la façon des cochons, tu vas pouvoir manger comme un cochon. Ça, il y a du monde qui sont capables de le faire déjà là. Mais si tu n'as pas un corps physique adéquat pour permettre une réincarnation, la réincarnation est inutile parce qu'elle ne permet pas l'évolution. Tu as un phénomène de métempsychose qui peut exister sur la Terre. C'est-à-dire un être humain qui va se réincarner dans un animal. Ça existe. Oui, ça existe. Ça s'est vu peut-être une dizaine de fois au cours de l'évolution de la race aryenne, donc de la race blanche depuis l'Europe. Depuis l'Inde. Alors, ça s'est vu quelques rares et très rares fois. Dans la cinquième race. Oui, dans la cinquième race. C'est quelque chose qui n'arrivera pas au niveau de la sixième race parce que les esprits réincarnatifs vont tellement être différents Et puis, il va y avoir des possibilités corporelles tellement avancées comparativement à ce qu'on a présentement dans l'ère du poisson que ça ne pourra plus arriver. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, mais qui sont très, très, très rares. Normalement, l'individu se réincarne toujours dans un corps qui va être un peu plus adéquat pour pouvoir permettre justement à cet individu-là, à cette personnalité astrale-là, parce qu'il y a deux sortes de réincarnations qui se font en même temps dans un individu. Il y a la personnalité astrale qui cherche à se réincarner, mais cette personnalité-là est dépendante de toutes les personnalités qui veulent se réincarner en même temps dans un corps particulier. C'est-à-dire que moi, une fois que je suis mort, disons que ma mémoire, la mémoire de Daniel Kim reste, flotte et réintégrée au niveau de l'astral. Les sept plans de Daniel Kim astral réintègrent les sept plans de la planète. Et puis par après, au niveau de la réincarnation, eh bien, en même temps, moi, toute ma mémoire peut être réincarnée dans un corps, en même temps que toute ta mémoire à toi, en même temps que la mémoire de peut-être quelques milliers d'individus. Alors, ce qui fait que l'individu qui va naître va avoir, premièrement, la mémoire, donc une partie de la continuité astrale de ses parents. Il va y avoir une partie de la continuité astrale de toute la hiérarchie qui a créé ses parents, c'est-à-dire de ses arrière-parents, de ses grands-pères, etc. Puis ça va très, très, très loin. De même que le code génétique d'un parent qui avait les yeux bleus peut réapparaître dans la famille 8 ou 9 générations après, puis toutes les autres ont eu des yeux verts. Alors, c'est la même chose. À un moment donné, toi, tu vas avoir des goûts typiques de ton arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père, puis toutes les autres n'en ont pas eu. Alors, les personnalités aussi se réincarnent, mais toi, en tant que personnalité égoïque, tu ne te réincarneras pas comme on l'entend, complètement toi dans un corps nouveau. Parce que, premièrement, tu te souviendrais donc de tes vies antérieures. Il y a le karma qui vient empêcher certaines choses. Tout ce qu'on peut appeler en termes ésotériques, le seigneur du karma qui vient de bloquer certaines choses. Mais la personnalité telle qu'on la connaît, la personnalité émotive, astrale, ne se réincarne pas dans le sens qu'on l'entend. Ça, on va revenir là-dessus. La deuxième forme de réincarnation, c'est une réincarnation fusionnelle. C'est une réincarnation entre deux individus qui ont atteint un état de conscience, un état de vie qui va être tellement proche de l'état très haut du corps mental, on peut même parler du corps causal, donc du mental supérieur. Alors, ces individus-là, pour pouvoir continuer leur cheminement, ne pourront pas le continuer de façon personnelle, de façon égoïque. Ils vont donc devoir fusionner ensemble pour pouvoir continuer. Ce que je veux dire par là... Quand tu dis ensemble, est-ce que c'est nécessaire qu'il y ait deux entités qui c'est nécessaire qu'il y en ait minimum deux. Pour quelle raison? Pour la simple raison que plus tu vas évoluer, plus tu vas te rendre compte que toi puis moi, c'est la même chose. Les véhicules sont différents, mais plus si ta conscience est placée au niveau de ton véhicule, c'est évident que tu pourras pas comprendre autre chose que le véhicule. Si ta conscience se place au niveau de ton émotivité, tu vas commencer à comprendre que pour que tu sois heureux toi, il faut que tu rendes l'autre heureux. Ou pour que toi, tu sois heureux, il faut que l'autre souffre. Tu commences à te rendre compte que ton émotivité, ta personnalité émotive, dépend donc de l'extérieur. Tu commences à te rapprocher de la prise de conscience qui te dit que tu peux pas vivre, toi, tout seul, en excluant le reste de l'univers, parce que toi, tu es inhérent à cet univers-là. Ton schéma de conscience augmente, puis tu finis par prendre conscience. Prendre conscience, c'est pas connaître. C'est pas ça, connaître. Prendre conscience, c'est vivre quelque chose. Bon, moi, je sais des choses, je connais des choses, mais je le vis pas. Tu vas finir par prendre conscience. Donc, tu vas finir par arriver à un état vibratoire, un état de vie, où... Toi, tu vas voir que ce que l'autre pense, tu le penses. Mais que lui, cette pensée-là, qui va couvrir la Terre, par exemple, toi, tu vas l'amener au niveau de tes véhicules, tu vas l'interpréter d'une façon, tu appelles ça ta pensée. Lui prend la même pensée, il va l'interpréter à travers ses véhicules, puis il va appeler ça sa pensée. Mais quand toi, tu arrives à un état vibratoire où tu vois ça, ben tu sais que toi et lui, fait que vous pensez, vous êtes la même chose. Plus tu vas finir par avoir un état de conscience de plus en plus vaste, mais pour qu'il soit vaste, cet état de conscience-là, il y a deux choses l'une. Ou il doit tasser la conscience des autres, ou il doit se mêler la conscience des autres. Il ne tasse pas la conscience des autres, il se mêle. Alors, ce qui fait que quand tu arrives à un plan de connaissance extrêmement évolué, donc tu arrives au niveau de connaissance du corps causal, celui des causes, non pas celui des effets, le plan du mental supérieur, tu vas automatiquement devoir t'unir pour pouvoir continuer à grandir. Alors, ce qui fait que tu vas te réincarner d'une façon fusionnelle, on va revenir là-dessus tout à l'heure, tu peux être deux, tu peux être bien plus que deux. Tu peux retarder cette réincarnation-là quand tu arrives à ce niveau-là à la condition que tu aies un événement clé dans l'évolution de l'humanité qui te permet, toi, de ne pas te réincarner d'une façon fusionnelle, c'est-à-dire de ne pas changer complètement d'univers, de dimension, mais de rester là pour pouvoir accomplir certaines choses dans le domaine de l'évolution. Parce que, pourquoi tu penses, toi, qu'un grand maître, disons, entre guillemets, qui arrive à un certain plan décide d'aider l'humanité? Ou bien il est cave, ou bien non, il a besoin de l'humanité. Bon, il a besoin de l'humanité. Il a besoin de l'humanité, pourquoi? Parce que, justement, sa conscience lui enseigne, il vit qu'on est la même chose. Mais le monde en bas, dans leur conscience matérielle ou dans leur conscience émotive, voit une différenciation entre tout ce qui peut exister puis eux autres. C'est pour ça qu'ils se disent eux autres. Mais ton évolué, ton maître, quand il arrive là, lui, il voit que c'est pas ça. Alors, c'est, de toute façon, c'est des maîtres qui ont commencé à dire que tout le monde était des frères et des sœurs puis qu'on avait un père. Bon. Alors, ces maîtres-là ont vu ça, ont vécu ça, puis eux autres ont besoin de l'humanité pour évoluer. Parce que la perfection parfaite, c'est quelque chose qui est partout. Puis pour être parfait partout, il faut que tout soit parfait. Alors automatiquement, s'il y a de l'imperfection quelque part, tu n'as pas de perfection au niveau de l'univers, ni au niveau de Dieu, ni au niveau de, appelle-le comme tu voudras. Alors soit que toi, tu continues le cheminement pour pouvoir aller travailler dans des sphères beaucoup plus hautes que l'humanité, c'est évident qu'il y en a qui vont le faire. Quand je dis « il y en a », il n'y en a pas gros, qui l'ont fait, il y en a de plus en plus qui vont le faire. Ou encore, tu restes stagnant dans une sphère qu'on pourrait appeler la sphère mentale, même la sphère supramentale, puis tu es là pour aider le reste de l'humanité. Mais en réalité, c'est toi que t'aides. Oui, parce que ça serait, je pense, un peu illogique s'il y a des formes d'énergie à l'état pur, j'imagine, quand un individu meurt qui est très avancé, éthériquement parlant, je pense, qui quitte cette sphère universelle pour aller dans une autre tant qu'on a si besoin sur la Terre d'une évolution plus rapide. On a besoin, mais on a besoin à la condition de pouvoir se servir des outils qu'on nous donne. Si toi, tu n'as pas de bras, tu veux construire une maison, c'est évident que tu as besoin d'un marteau. Mais tu n'auras pas de marteau parce que tu n'as pas de bras. Ou encore, tu ne sais pas que tu as des bras. Alors, ce qui fait que dans l'Antiquité, tu as beaucoup de personnes qui sont arrivées à des phases de réincarnation fusionnelle. On peut dire à ce niveau-là que tu te réincarnes plus. Bon, tu te réincarnes plus, pourquoi? Parce que tu prends plus de véhicules matériels dans le sens où on les connaît. Alors, on dit que tu te réincarnes plus. Mais en réalité, c'est une réincarnation qui est fusionnelle, tu changes de plan. À cette époque-là, c'était faisable parce qu'aider l'humanité, tu finissais toujours sur une croix. Fait qu'en partant, c'était pas tellement... Bon. Aujourd'hui, c'est de plus en plus utile parce que l'homme a la possibilité de mieux comprendre. OK. Avant de parler d'incarnation et de réincarnation, si tu expliquais ce qui se passe... lors de la mort du corps physique, ce qui se passe avec le corps astral, le corps éthérique, le corps vital, ainsi de suite, pour situer un peu plus, je pense, le phénomène d'incarnation et de réincarnation. Bon, le corps physique, quand le corps physique meurt, je pense que tout le monde sait qu'est-ce qui se passe. Hein? Je pense que ça, on connaît les odeurs qui s'en dégagent. Oui, mais j'aimerais avoir ta version pareil. Parfait. Alors, le corps physique se réintègre à la planète physique. Tu as une chose qu'on appelle la vitalité, un corps vital. C'est lui qui tient tes molécules ensemble. C'est l'électrostatique qui existe entre les atomes. Ce corps-là, qui est identique à la forme corporelle matérielle que tu as, on peut pas faire autrement qu'être identique, c'est lui qui tient ces molécules ensemble. Celui-là va se dégager de ton corps physique quelques heures, aller à quelques jours après la mort du corps physique. Bon. Tu as possibilité de ranimer une personne tant que ça est encore là. Bon, c'est évident que si tu as des dommages au niveau du cerveau, ben tu peux pas ranimer grand-chose. Tu peux ranimer tout le temps, mais ça laisse des problèmes. Hein? Mais tu peux ranimer, là je parle avec la science qu'on a, c'est évident qu'après 3 jours, si le corps vital est toujours au niveau du corps physique, tu peux quand même ranimer. Si tu réussis à refaire vibrer le corps vital d'une façon assez rapide pour pouvoir remettre le corps physique en fonction. Bon, le corps vital se dégage avec tous les autres véhicules astral, mental, etc. Tu vas mourir une deuxième fois après ta mort physique, puis cette mort-là va être aussi souffrante, sinon plus que la mort physique, parce que là, ton corps vital doit se désagréger, ce qui fait que c'est la seule chose qui retenait tes véhicules à la Terre. Tu as une deuxième mort, qui est assez dure. Bon. Qui arrive combien de temps après la mort physique? 3-4 jours, aller jusqu'à quelques années. C'est pour ça, d'ailleurs, que la majorité des religions vont enseigner de prier quand quelqu'un est mort, au lieu de broyer pour qu'il revienne, puis de broyer sur nous autres pour qu'il aurait pu rester, ou ben non, en tout cas, bref, je vais m'ennuyer qu'il soit mort, puis etc., s'apitoyer sur notre sort. Ça nuit énormément parce que cette personne-là est encore dans le domaine matériel de la Terre, puis évidemment, elle est en contact avec tout ça. Alors, c'est très, très, très nuisible, c'est très, très, très dommageable pour le corps qui vient de mourir, pour l'être qui vient de mourir. Une fois ce corps vital-là balayé, il reste encore un corps astral et toutes les souffrances sont liées à ça. Le plan astral, tu as 7 niveaux approximatifs qui se teignent, comme tout à l'heure je disais. Alors, si toi, tu as vécu de boisson, puis si tu as vécu de débauche, ou si tu as commis différents meurtres, ou bref, si ta vie était liée à l'animalité qui reste dans l'homme, donc au niveau de l'astral inférieur, tu vas rester là parce que c'est là que tu veux vivre. Mais cet astral-là a un gros problème d'être extrêmement près de la matérialité de la Terre, ce qui fait que toi, prenons l'exemple d'un alcoolique ou d'un ivrogne, tu vas vivre dans ce niveau astral-là pendant un bon bout de temps, tant que cette partie astrale-là de ta personnalité n'aura pas réintégré la même partie de la planète. Alors, ce qui fait que ça peut aller jusqu'à 100 ans, même jusqu'à 1000 ans. Mais toi, tu vas vivre dans ce niveau-là, dans les régions où tu as vécu sur Terre. Alors, ce qui fait qu'automatiquement, tu vas te ramasser dans les mêmes tavernes que tu as vécu, par l'entour de l'alcoolique, mais tu peux pas boire. Tu vas vivre les mêmes choses, tu vas t'asseoir aux mêmes tables, tu vas tout voir ce que là, tu ne pourras pas boire parce que tu n'as pas de véhicule physique. Bon, ça, c'est l'enfer. Tu as 6 niveaux, on pourrait dire, purgatoriels, qui vont suivre au niveau de l'astral. Dans la sphère astrale extrêmement basse, qu'on pourrait appeler l'enfer dans le sens religieux du terme, là, tu vas vivre là jusqu'à temps que lentement ce corps, cette forme d'astral-là se désagrège tout seul. Ça se fait tout seul. Mais plus elle est dense, plus elle est densifiée, donc plus elle est matérielle, plus ça va prendre de temps avant qu'elle se défasse, donc plus ton état infernal va durer. Tes autres niveaux vont dépendre justement toujours de ton vécu. On appelle ça karma. Je l'ai parlé l'autre fois lors de la conférence Les pièges du karma. Le karma, c'est simplement une loi que tu connais pas, que tu vas à l'encontre. Donc, automatiquement, tu manges des coups. Comme je disais, si tu mets ta main dans un bac d'acide, tu as un karma d'acide, ta main brûle. Alors, c'est rien parce que tu connais pas les lois. Dans cette forme d'astral très basse-là, donc le 7e niveau, qu'on peut appeler l'enfer, tu paies ton karma, c'est-à-dire que tu vas vivre là en souffrant énormément parce que toutes les vices ou tout ce que tu aimais faire, qui était très proche de l'animal, tu ne peux pas le faire, mais tu as tous ces désirs-là, vu que c'est le corps des désirs, c'est le corps astral qui reste. Les autres niveaux, c'est des niveaux qui s'échelonnent de la personne qui commence à avoir une morale, aller jusqu'aux personnes qui vont être très, très, mais hautement spirituelles, les personnes qui vont vouloir aider, les personnes qui vont être de moins en moins égoïstes, donc qui ont un plan de conscience de plus en plus étendu. Parce que tu es égoïste, toi, quand tu ne vois que toi dans l'univers. Mais tu es de moins en moins égoïste quand tu commences à comprendre que toi dépends de l'extérieur. Puis tu es encore moins égoïste quand tu commences à comprendre que toi, tu es l'extérieur. Bon, les échelles de conscience. Tous ces niveaux astrales-là, donc l'astral au complet, doit se réintégrer à la planète. Donc, ta personnalité complète émotive, mémorielle, va disparaître lentement au cours de dizaines ou de centaines de milliers d'années pour être réintégrée, donc digérée par l'astral planétaire. Dépendamment de ton corps astral. C'est ça. Donc, plus tu as un corps astral qui va être subtil, moins dense, plus tu as un corps astral qui approche d'une subtilité des plans supérieurs de l'astral, plus vite ton purgatoire, si on peut dire, là, pour prendre les termes connus, va se faire. Ce qui fait que si tu es toujours au niveau de l'astral extraordinairement haut, ça peut peut-être prendre quelques heures avant que toi, tu te libères complètement du corps astral. Là, il va rester un schéma qu'on appelle le mental. Ce mental-là... Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là au corps astral subtil? Bon, le corps astral... Il va se désagréger au même titre que le corps physique. Se désagrège, mais cette désagrégation-là s'en va où? Elle réintègre la même sphère, la même forme d'énergie qui est astrale, qui recouvre la planète. Elle se mélange à d'autres corps astraux qui étaient subtils, qui étaient plus purs. C'est ça. Mais elle garde ses formes d'énergie. En gardant ses formes d'énergie... Toute son expérience de vie est contenue là-dedans. Oui. Et en gardant les formes d'énergie de l'astral même, donc de la personnalité, de la personne, elle peut, à un moment donné, réussir, puis ça, ça peut arriver de temps en temps, à réagglomérer toutes ses personnalités avant une réincarnation. Et puis là, on va assister à la réincarnation à peu près identique de la même personnalité qu'on a connue. Ça va arriver en ce qui concerne, par exemple, certains individus qui, de par l'éducation ou de par l'évolution territoriale d'un peuple, vont avoir besoin de ça. Je vais te donner un exemple. D'ailleurs, c'est le seul exemple qu'il y a sur la Terre. C'est les réincarnations successives du Dalai Lama au Tibet. Alors, ce qu'on fait, c'est que le bonhomme, il meurt. Et puis, par après, il y a des astrologues, il y a des prophètes qui vont dire qu'il va se réincarner dans telle ou telle place du Tibet. Alors, on va se mettre en quête d'un enfant, parce qu'évidemment, il vient de se réincarner, ça peut être quelques années après, ça va de soi, d'un enfant qui va avoir des choses similaires à ce que le Dalai Lama était enfant. Quand on pense l'avoir trouvé, on va l'amener, puis là, on va y montrer des choses qui ont appartenu au Dalai Lama, et ça, c'est mélangé à travers un paquet de cossins qui appartenaient à un paquet de monde. Si l'enfant a la réincarnation du Dalai Lama, la mémoire personnalisée qui s'est réagglomérée lors de sa descente sur Terre devrait être capable de ressurgir, parce que là, il y a un support à sa résurrection, et puis l'enfant devrait être capable de dire, ben ça, c'était à moi, ça, puis ça, c'était à moi, puis ça, c'était à moi. Puis là, il va prendre que les choses appartenant au Dalai Lama, on va pas le reconnaître. Alors, il y a deux réincarnations de Dalai Lama qui sont faites au Tibet, qui étaient assez amusantes, parce que là, il y a eu des Occidentaux qui y ont assisté. Et puis, une de ceux-là, c'était un enfant qui est... Il y a un bonhomme qui était parti à la recherche du Dalai Lama avec un paquet de lamas. Et puis, ils ont engagé un guide avec eux autres, un jeune d'à peu près une douzaine d'années. Et puis, en s'en allant, ben là, le jeune, il leur disait toujours où aller, etc. Puis, il connaissait les villages, puis les places, puis bon... Et puis, tout d'un coup, le jeune, il demande à un des Sherpas qui est avec eux autres, ça, c'est les guides de là-bas, « Peux-tu amener dans telle place, là, il y a un coffre rouge, puis il y a une espèce de grosse coupe là-dedans, puis moi, j'aimerais ça boire là-dedans, je buvais là-dedans, tu sais, souvent. » Puis là, le monde sont inquiets un peu parce que l'endroit qu'il parle, c'est une espèce de cabane qui appartenait jadis au Dalai Lama, justement, même si le Dalai Lama vivait à Lhasa, la capitale du Tibet. Mais il était né là. Fait qu'ils ont été voir, puis ils n'ont pas trouvé le coffre rouge, etc. Mais là, lui, il leur a dit, ben oui, c'est parce que vous ne regardez pas comme il faut, parce qu'il est à telle place, il faut lever telle chose, j'ai déjà caché ça là. Bon. Ils ont été fouillés, ils ont trouvé le coffre, il y avait une coupe dedans. Puis ça, même le monde qui suivait le Dalai Lama ne le savait pas. Fait que là, ils ont dit, c'est peut-être lui. Fait qu'ils l'ont ramené à Lhasa, puis là, ils ont fait visiter la place. Mais lui, il a servi de guide, il leur a tout montré la place. Il savait tout où ce que tout était. C'était le Dalai Lama. Fait que là, ils l'ont placé sur le trône. Ça arrive assez souvent, puis c'est comme ça que les autres vont faire, justement. Puis t'as des choses très, très, très bizarres, là, où ce que, justement, l'enfant qui vient, qui commence à parler, il va compter tout ce qui s'est passé avant, puis il sait, là, vous m'attendez, là, puis c'est mon trône là-bas, puis etc. Bon. Alors ça, c'est tu peux, à cause que t'as une vibration au niveau des mémoires des individus, tu peux aller chercher ces mémoires-là avec le spiritisme. Donc, tu peux aller chercher à agglomérer des parcelles de mémoire, puis voir l'individu comme qu'il était. Parce que l'individu a une mémoire de lui-même, donc automatiquement, il y a une forme. Tu peux aller chercher ça, mais ces mémoires-là sont jamais intelligentes, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de corps mental ou à peine, elles vont travailler au niveau de leur mémoire. Alors, ce qui fait que c'est extrêmement inutile, puis même dangereux d'aller fouiller, donc de faire du spiritisme, d'aller jouer avec des mémoires, parce que plus souvent qu'autrement, c'est des mémoires inintelligentes qui vont y aller. Jamais, mais jamais il y a une mémoire, c'est-à-dire l'esprit d'un grand maître qui va venir te parler. Ça, c'est l'esprit d'un gars qui se prenait pour le grand maître, mais le grand maître, lui, là, il viendra jamais te parler en séance de spiritisme. Ça se fait pas, ça se peut pas, puis ça, je pense, le moindre maître qui est intelligent, on se rend bien compte, ce serait ridicule. Toi, si t'es un grand maître, tu connais les plans, tout ça, tu iras pas jaser un gars dans sa petite salle qui fait brasser les tables pour t'amener. Hein? Puis il va te faire jouer avec un morceau de carte. Il y a bien d'autres moyens qui existent au niveau du schéma évolutif de l'homme pour faire de quoi, autre que le spiritisme. C'est normalement des formes astrales inintelligentes du monde bien normal, là. Ton grand-père, etc., là, je veux dire, c'est pas tous les grands-pères, il y en a qui sont assez intelligents pour pas venir, mais je veux dire, c'est tout du monde de même. Ou des mémoires de ce qu'on a connu de telle personne. Ce qui est amusant dans l'astral spirituel très élevé ne vient jamais à une séance de spiritisme. Mais avant d'aller plus loin, là, dans le cas du Dalai Lama, là, où son corps astral se serait intégralement, si je comprends bien, infiltré dans un nouveau corps. Mm-hmm. Quelle place était son corps mental? Est-ce qu'il faut que son corps mental suive? Tout revient se placer parce qu'il y a une intelligence qui permet ça. Le Dalai Lama, premièrement, il faut absolument qu'il soit en contact avec certaines formes d'énergie qu'on commence à connaître qui vont permettre justement un assujettissement de ces corps-là. On parle de mutation. L'homme est en mutation psychologique depuis quelques années. Mais après cette mutation psychologique-là, il va y avoir en même temps ou vers la fin une mutation qui va être cérébrale. Et puis ça va amener l'homme à pouvoir capter des formes d'énergie qui sont différentes, qui existent là comme l'air qu'on respire, mais qu'on ne capte pas parce qu'on ne les voit pas. On n'a pas le récepteur. L'homme finit par capter ces énergies-là, puis ces énergies-là ont comme effet, étant donné qu'ils descendent en ligne droite, de placer les différents corps, un en dessous de l'autre, disons, là, c'est schématisé, pour les mettre en ligne. Quand ils sont en ligne, ces corps-là peuvent se souder ensemble, on appelle ça une fusion. Bon. Cette énergie-là, énergie intelligente, énergie active, va simplement, elle, s'occuper, vu qu'elle est en contact avec le corps du Dalai Lama de son vivant, elle va s'occuper à régénérer toutes ces parcelles-là, donc vibrer ce véhicule-là soit adéquat à sa réincarnation. Parce que s'il a beau être intelligent, s'il se réincarne dans une entité qui n'a pas de cerveau, ben il va avoir des problèmes. Alors, ce qui fait que ton Dalai Lama le fait, ça. Normalement, une réincarnation telle qu'elle doit se faire pour la majorité de l'humanité, ça, c'est une affaire qui est compréhensible si on est rendu à un point où on peut comprendre que mon évolution dépend de l'évolution de la masse. Bon. Moi, je peux pas sortir dans la rue puis commencer à crier différentes choses si le public est pas prêt à l'entendre. Alors, dans l'ancien temps, il y en a qui ont été en prison parce qu'ils ont dit que la Terre était ronde. Alors, son évolution s'est arrêtée là. C'est pas en prison que tu t'es évolué énormément. Son évolution était liée à l'évolution de la masse. Alors, plus vite la masse évolue, plus vite, toi, tu peux te permettre d'évoluer. Puis, évidemment, plus vite l'éducation, donc, de nos enfants va évoluer, plus vite leur cerveau va se transformer, puis tu as des réincarnations de plus en plus intelligentes qui vont se faire parce qu'il va y avoir des véhicules de plus en plus acceptables pour ces réincarnations-là. Alors, ce qui fait que, si moi, je comprends que mon évolution à moi est liée à l'évolution de la planète entière, bien, automatiquement, dans mes réincarnations, dans mon idée de réincarnation, on va comprendre, puis je vais voir effectivement que c'est le même que ça marche, que je le veuille ou non, que ma personnalité s'en va. Elle flotte au niveau des plans astraux, parlons d'un plan pour l'instant, là. Elle flotte là. Bon, au niveau mental, il se passe des choses. Si moi, je suis rendu au niveau courant, je suis en contact avec l'énergie supramentale, mais pas suffisamment pour que mes corps puissent tous s'assujettir ensemble, bien, automatiquement, m'a purifié. C'est-à-dire que je vais me débarrasser de ces choses-là. Quand je dis « je », le « je », il est astral. Même ça, ça meurt, c'est-à-dire que ça réintègre l'astral de la planète. L'esprit qui est en moi, hein, comme un pied d'une vache, là, ça descend un peu partout dans tous les hommes qu'il y a là, mais c'est pas un esprit, c'est une et même chose qui vient baigner dans l'homme, dans tous les hommes, et dépendant de la qualité qu'a son physique, de la qualité qu'a son astral, de la qualité qu'a son corps intellectuel, donc son corps mental, de ces qualités-là, ben l'esprit qui vient baigner va pouvoir percer plus dans un puis s'exprimer dans un corps physique. Donc, on dit que le gars est en contact avec l'énergie supramentale ou l'énergie divine. Divine, c'est autre chose, mais ça peut ressembler à ça pour l'instant. Mais si le corps est trop épais, si les formes corporelles, donc vitales, astrales, mentales, intellectuelles, sont pas prêtes encore, ben cette énergie-là peut pas arriver à s'exprimer par le corps. Quand t'es joyeux, t'es heureux, toi, ben tu exprimes quelque chose, mais tu captes aussi. Mais si tu t'es complètement brimé par l'alcool, ben c'est évident que tu pourras pas émettre les mêmes choses. Le corps physique ne le permet pas. C'est la même chose pour les autres corps. La réincarnation va se faire comment? Moi, ma personnalité s'en va se promener au niveau de l'astral pendant un certain laps de temps. Il y a un individu qui doit naître pour bien des raisons. Il y a des accidents, puis il y a des choses voulues. Et puis, automatiquement, l'astral des parents qui vibre selon un certain niveau, va automatiquement teindre. L'enfant vit 9 mois dans le ventre de la mère. Il n'y a pas bien le choix d'être teint. Hein? Tu vas vivre avec quelqu'un, puis tu peux te faire impressionner, puis tu peux te faire manipuler par cet individu-là. Il y en a qui sont facilement influençables, c'est incroyable. Mais imagine-toi, toi, quand tu es dans le ventre de ta mère, comment tu es influencé par l'astral de ta mère, par la psychologie de ta mère, par les émotions de ta mère. Mais aussi, tu vas être influencé automatiquement par tout ce que ta mère peut capter, donc par son mari, par les autres enfants, par son travail, par etc. Là, automatiquement, la mémoire de l'enfant commence à s'établir, mais génétiquement parlant, il y a une génétique qui est biologique, mais il y a aussi une génétique qui va être mémorielle. L'enfant va acquérir des connaissances, justement, qui sont mémorielles, des connaissances mémorielles inhérentes à la survie même du corps. C'est son instinct. À quel moment que l'esprit s'incarne? Est-ce que c'est lors de la création ou bien lors de la naissance? Non, l'esprit... il baigne continuellement sur la Terre au complet, à tous les niveaux de profondeur de la planète Terre. L'entité qui s'infiltre, l'entité, c'est se réincarne. Bon, l'entité, c'est la même forme d'esprit, la même forme d'énergie qui veut s'incarner par toi et qui veut s'incarner par tout le monde ici. L'enfant vient au monde, puis dépendant de la fabrication de son corps émotionnel, de l'évolution de son corps physique après la naissance, tout ça, tu vas avoir un esprit qui va être capable de s'exprimer d'une certaine manière. Mais l'esprit ne s'incarne pas, l'esprit est toujours là. Là, j'ai de l'air ici. Si je commence à faire apparaître quelque chose qui est vide, mais l'air, il n'y a pas un moment donné qu'elle vient dedans. Elle est toujours là. Okay? Sauf que nous autres, on se demande, à l'instant même, tes cellules sont vivantes, donc l'esprit les baigne. Puis ces cellules-là, s'ils se mettent à grossir, puis à dégénérer en être humain, ben, il veut pas. L'esprit a toujours baigné ces cellules-là. L'esprit ne vient pas se placer dans l'homme à un moment donné pour s'en retirer à un autre moment donné. Sauf que l'esprit va s'attacher. Il y a une parcelle de ce qui baigne dans l'homme qui va s'attacher, qui va être attirée, qui l'esprit va là, parce que justement, elle doit purifier ces choses-là pour les transformer en esprit. Autrement dit, en termes bibliques, disons que Dieu tient à ce que l'homme devienne divin. Oui, mais à quel moment? Tout le temps. Est-ce que c'est au moment de la conception? Je répète, ta cellule, elle baigne d'esprit, donc l'esprit est déjà incarné dedans. Ton spermatozoïde, l'ovule, c'est la même chose. Ils vont fusionner ensemble, puis c'est une réelle fusion, mais l'esprit est toujours là. Ils vont créer quelque chose, l'esprit est toujours là, mais l'esprit peut pas s'exprimer autrement que par la procréation des cellules. Bon, à un moment donné, il y a un bras qui pousse, puis il y a un fœtus qui se forme complètement. L'esprit est tout le temps là. Il n'y a pas eu un temps chronologique où ce qui est venu à l'intérieur de ça. Mais la mémoire des parents est là aussi, puis cette mémoire-là va, par vibration, attirer des schémas mémoriels de l'astral de la planète qui sont similaires, donc qui vont se rapprocher de plus en plus de ta mémoire, mais de la mémoire génétique de ta famille, puis de la mémoire de d'autres choses. Alors, ce qui fait qu'un individu peut dire, moi, j'ai déjà été Genghis Khan, parce que je me souviens de la Chine, je me souviens. Non, t'as rien été. Une partie. Il y a une mémoire de lui qui, à un moment donné, vibrait bien, puis toi, tu as cette mémoire-là avec toi. Toi qui tu es, tu n'as jamais été quelque chose dans le passé, pas dans le sens où on l'entend. Tu n'es pas une personnalité à part entière qui a déjà vécu dans le passé. Mais tu peux avoir la mémoire de Genghis Khan, puis penser aussi avoir été Napoléon. De toute façon, le monde, on pense tout le temps avoir été quelqu'un de grand, nous autres, hein? Fait que c'est plaisant. Mais c'est pas faux, parce que Napoléon, c'est-à-dire que la personnalité, la forme personnalisée de Napoléon, s'est réincarnée dans des millions d'individus. Parce que, justement, tout est mélangé, puis il y a des appels vibratoires. Quand tu écoutes une cassette, t'entends, mais tu élimines pas la mémoire de ta cassette pour autant. Alors, ce qui fait que si moi je l'entends, toi tu peux l'entendre. Ça rentre dans ton schéma mémoriel, puis ça rentre dans le mien, mais ça reste ta cassette. Alors, même si c'est une entité mémorielle, disons napoléonienne, qui vient s'incarner dans un individu, l'entité reste là pareil. Si toi, tu pars en voyage astral, tu vas aller voir Napoléon pareil, c'est pas parce que lui, il a ramassé un bout qui est plus là. Okay? C'est pas une forme comme toi, c'est pas un véhicule physique. Toi, tu te déplaces, si t'es là, t'es pas ailleurs. Au niveau de l'astral, c'est pas comme ça. Tu regardes dans un livre, tu as connaissance d'une mémoire qui est imprimée. Même si t'en prends connaissance avec les lois qui régissent l'être humain, ben, elle reste dans le livre. C'est ce qui ce livre en maudit pour que les lettres tombent. C'est ce qui expliquerait, par exemple, le fait que, il y a quelques années, en même temps sur la planète, il y avait 7 petits Mozart de l'âge de 10 Exactement. Ans qui jouaient du piano. C'est ça. Et puis sous hypnose, ils jouaient sans... T'as eu un génie comme ça, puis t'as eu 7 réincarnations du même génie qui ont joué Mozart, toute la gang. Il y avait 6, 7, 8 ans, 9 ans, puis ils jouaient tout du Mozart. Parce que la personnalité de Mozart, ben, elle est attirée par cette forme qui fitait avec. Mozart, sa mémoire restait toujours au niveau de l'astral quand même. La réincarnation va se faire, justement, c'est plusieurs personnalités qui, vibratoirement, vont vibrer la même chose, qui vont donc venir prendre possession d'un corps. Quand ils prennent possession, ben, la personnalité même du père et de la mère ont déjà pris possession du corps qui va être généré. Bon. Par contre, ton éducation, toi, va permettre à d'autres personnalités mais émotionnelle, personnalité mémorielle, de pouvoir, au cours de ton évolution, venir s'agglomérer à toi. Alors, ce qui fait qu'à un moment donné, tu peux te prendre pour n'importe qui. Puis tu peux avoir des connaissances de lui. Ben, c'est simplement que tu viens, vibratoirement parlant, d'entrer en connexion avec une mémoire astrale qui était ce bonhomme-là. Ça, c'est le fun, c'est correct, c'est parfait. Ces personnalités-là qui viennent se réincarner en toi vont essayer de prendre le dessus sur l'être. Mais la personnalité la plus forte qui va prendre le dessus sur l'enfant qui vient de naître va être celle de sa mère, parce que c'est elle qui était imprégnée le plus au niveau de son schéma astral, bien plus que les autres mémoires qui, vibratoirement, étaient assemblables à ce schéma-là. Alors, l'enfant va être sa mère pendant longtemps. L'enfant va se voir comme étant une entité différente. Il dira pas « j'ai été », il va dire « Daniel a fait ça ». Daniel a fait caca à terre. Bon, 3 ans, 4 ans, bon. Mais lui, il ne se voit pas comme un « je » encore. Il va venir un temps où ce qui va commencer à avoir sa propre personnalité, puis l'enfant va commencer lentement à se percevoir comme ça. Bon. Alors là, l'enfant va vivre le « je ». Mais ce jeu-là, c'est quoi? C'est l'amalgame de différentes personnalités qui vont essayer de prendre le dessus de temps en temps. Alors, l'enfant va avoir, pendant un certain... Même les adultes qui n'ont pas réussi à régler ce problème-là vont avoir différentes personnalités. Une personnalité qui peut être colérique, qui peut être un paquet de choses, parce que, de temps en temps, il y a une personnalité qui veut prendre le dessus. Alors, disons que ça, c'est plein de personnalités, l'eau, puis que tu mets du colorant dedans. Le blanc, ça, c'est l'astral vide de l'individu, l'astral pur, comme il doit être à la fin. On met du colorant dedans, c'est toutes les personnalités qui viennent se réincarner. C'est l'enfant, c'est nous autres, c'est parfaitement nous autres. Mais si je brasse ça, ben t'as des couleurs qui vont vouloir se placer à la surface, puis d'autres qui vont être dans le fond. La personnalité qui ressort de nous autres, c'est la couleur, disons, qui a le plus la possibilité de manipuler les autres. Donc, la couleur qui est la plus forte, qui pendant longtemps va être celle de nos parents. Jusqu'à temps qu'on se rende compte que nos parents sont faits de chair et d'os comme tout le monde, puis là, on décide qu'ils n'ont plus raison dans rien, puis là, on commence à avoir une personnalité qui va se changer, là, je parle au niveau de l'adolescence, pour devenir une personnalité de groupe. Alors, on va vivre en gang, par exemple, une gang de 2 ou 3 ou 4 ou 15 ou 20. Bon, puis ça, ça n'a pas toujours été comme ça, puis maintenant, ça s'en va, mais ça a été une époque qui est assez forte, là, les quelques dernières années. Alors, ta personnalité, c'est quoi? Ben, c'est ça. C'est que s'il y a quelque chose qui rentre dans ta vie, qui te rappelle quelque chose, que même si tu sais pas c'est quoi, ben, ça dépend de la personnalité qui s'est réincarné à l'intérieur de toi. Puis quand je dis toi, je parle à l'intérieur du véhicule. Alors, si tout d'un coup quelqu'un rentre, puis fait quelque chose, ça peut t'offusquer bien net. Puis tu sauras pas pourquoi. C'est parce que t'as ta personnalité, tu n'as d'autre en arrière de ça. Les petites voix qui te parlent de temps en temps dans ta tête, là, c'est ça. Alors, il y a une de ceux-là qui, tout d'un coup, elle, ça lui rappelle de quoi, puis elle la bouleverse en dedans. Puis ça revient, ça réussit à monter à la surface, ben tu te mets en colère, tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe, personne ne sait pourquoi. Puis après ça, une fois que t'es calmé, ta personnalité, donc celle qui commence à prendre le dessus, revient, puis tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y en a un, tu n'aimes pas la face. Tu peux pas voir pourquoi. D'accord, il y a une espèce d'interrelation au niveau vibratoire, au niveau astral, qui peut faire en sorte que tu n'aimes pas ces vibrations, mais il y en a d'autres, c'est différent. Il y en a, tu vas voir la photo. Mais là, il n'y a pas d'interrelation au niveau vibratoire, tu vois une photo. Puis c'est pas le petit ton de forme que la photo va dégager qui va te perturber. C'est simplement que, mémoriellement parlant, il y a quelqu'un dans l'intérieur de toi qui, ça, là, ça, il l'aime pas. Alors, la première fusion que l'individu doit faire pour arriver à vivre en paix dans le domaine de la matière, c'est une fusion de ces personnalités-là. Alors, ces personnalités-là vont finir par pouvoir s'amalgamer ensemble. Bon, alors ce qui arrive, c'est que si moi je veux devenir spirituel, puis je veux être calme, puis je veux être en paix, puis je veux aider mes frères, etc., et puis quelqu'un me pile sur le pied, puis je gueule, ben comment ça se fait, je suis pas capable de vivre ce que je... Ben c'est ça, c'est des différentes personnalités, il y en a un qui te pile sur le pied, puis ça fait tout de rejaillir une personnalité colérique, une personnalité qui était dominatrice, qui peut être n'importe qui, et puis automatiquement tu deviens ça. Puis là, tu essaies de lutter contre celle-là, tu veux contrôler ta colère, tu veux contrôler ta... Bon, c'est des formes astrales, tu vas dire « je suis jaloux, je suis ci, je suis ça », c'est toutes des différentes égrégats de personnalité que tu dois arriver à maîtriser, que tu dois arriver à contrôler, tel que c'est enseigné par les philosophies, les religions, puis ce qu'on a. Mais en réalité, c'est pas un contrôle de ces choses-là que tu dois faire. C'est pas parce que tu as une affaire verte et une affaire rouge, puis le rouge il veut battre le vert, puis le vert il veut battre le rouge, que c'est ça l'évolution. C'est ce qu'on enseigne. Tu dois contrôler tes personnalités, donc tes émotions, pour pouvoir laisser promener celle qui cadre le plus, soit avec tes idées, donc vu qu'elle est grosse, avec elle-même, ou avec la société. Mais ça, c'est pas une évolution. C'est utile. Ça l'aide à grossir cette personnalité-là. Puis si elle est de niveau astral spirituel, donc d'un des plans astrales élevés, à ta mort, tu vas t'en débarrasser vite. C'est-à-dire que l'esprit qui veut s'exprimer à l'intérieur de ton corps va être capable de se débarrasser assez rapidement de ça pour pouvoir venir plus vite. Mais le vrai travail, c'est une fusion de ces personnalités-là, donc une mutation de ces personnalités-là, une mutation psychologique, une mutation émotionnelle. Quand on parle de mutation de la psychologie, c'est la fusion de ces personnalités-là. C'est une mutation, donc les personnalités deviennent plus moi, moi, ils deviennent tout ensemble moi. Ils deviennent un. Bon, la réincarnation fusionnelle, c'est la même chose. Toi, tu as une personnalité très, très élevée, moi aussi, puis on fusionne parce qu'on est consentant, puis on fait quoi? Notre union devient illimitée. Présentement, c'est des unions limitées qu'on a. Bon, alors tu as tes personnalités qui, une fois à l'intérieur de toi, vont finir par se fusionner. Comment? Par le contrôle de tes vibrations. Ils ne fusionneront pas à cause que tu vas faire de la méditation ou à cause que tu vas humer de l'encens de temps en temps, des choses de même. Ça va faire ressurgir la personnalité spirituelle la plus adéquate, puis tu vas vivre avec elle, puis tu es aux oiseaux. Mais à l'intérieur de toi, il n'y a aucun problème qui est réglé sur aucun des échelles. Il y a une fusion de personnalité qui se fait, puis quand cette fusion-là, elle est faite, tous les conflits inhérents à la nature même de l'homme, à la nature astrale de l'homme, disparaissent puis s'éteignent, parce que la nature, que ce qu'on appelle la nature de l'homme, les personnalités même qui vivent à l'intérieur de l'homme, sont disparues puis ont été mutées en énergie. De cette façon-là, tu peux dire que l'astral est détruite, mais en réalité, l'astral vient de se faire transmuter en quelque chose d'autre, puis il n'y a plus toutes les cochonneries, les teintures, toute l'astral qui est absolument impropre, impur, n'existe plus parce qu'il reste juste une forme astrale qui est harmonieuse de A à Z. Il n'y a plus de perturbations au niveau de la psychologie de l'homme. De cette façon-là, c'est fait. Là, après ça, tu peux avoir une guerre entre le mental et l'astral, qu'on connaît déjà, qui est même commencé malgré que l'homme n'a pas fini sa fusion émotive. Il y a une guerre qui se fait, c'est-à-dire que la personnalité émotive de l'homme qui veut se domine l'une l'autre veut dominer aussi le mental, l'intellect de l'homme. Quand ces personnalités-là ont réussi à fusionner, il n'y a plus personne qui veut prendre la tête. Bon, il n'y a plus personne qui veut prendre la tête du mental non plus. Automatiquement, l'énergie supramentale peut venir facilement, puis il y a de quoi qui se passe. Au niveau des réincarnations, toi, tu peux fusionner tes personnalités, donc devenir un être qui est authentique. Pas un gars qui veut exprimer l'amour puis qui n'est pas capable. Pas un gars qui aimerait marcher tout nu puis qui s'en gêne puis qu'en même temps, il souffre de ne pas pouvoir le faire. Ça, c'est des personnalités, justement, qui se luttent. Ta fusion personnelle de personnalité n'est pas faite. Bon, quand tu vas avoir fait ça, tu vas être un gars qui va être capable d'exprimer naturellement, tout de suite, quelque chose. Le mental va permettre, parce que le mental est intelligent, intellectuant, d'une façon intellectuelle, lui, il va quand même permettre, justement, à ces personnalités-là fusionnées de pouvoir avoir ce qu'ils ont besoin dans leur temps, quand c'est nécessaire. Mais les personnalités ne se battront pas pour avoir ce qu'ils veulent, puis avoir un feeling pour alimenter quelque chose, un feeling intellectuel, puis en même temps un feeling physique, puis etc. Quand ces personnalités-là sont fusionnées ensemble, ça, c'est réincarnatif, ça se fait. Pourquoi qu'on se réincarne? C'est une des raisons pour fusionner l'astral de la planète. Plus de personnalités qui se fusionnent là, ça crée une personnalité. Toi, tu fusionnes les tiennes, t'en crées un autre. Ces personnalités-là vont se réincarner, ils vont se refusionner, puis il va venir un temps où l'astral, à l'échelle de la planète, va être un astral, une personnalité, la personnalité de la planète. Nous, l'esprit de l'homme va pouvoir rentrer à l'intérieur de ça sans qu'il y ait de conflit, sans qu'il y ait de perturbation. Présentement, c'est pas prêt. Il y a bien trop de guerre dans l'homme pour que ces énergies-là viennent descendre dedans. Ça va arriver quand, ça? À la fin de la 7e race ou à la fin de la 6e? Ça va arriver, de masse, ça va arriver vers la fin de la 6e. Mais présentement, à la fin de la 5e, t'en as qui sont déjà en train de faire ça. Mais de masse, à l'échelle complètement de la planète. Alors, pour résumer, la réincarnation telle qu'on nous l'a toujours enseignée, que notre personnalité pouvait se réincarner dans un autre corps sans penser qu'on était amalgamé avec d'autres personnalités. Ça existe au niveau où les gens ont évolué à un très haut niveau sur Terre. On peut dire que ça n'existe pas. Bon, tu sais, c'est arrivé, c'est comme la métempsychose, la réincarnation d'un animal, ça existe, on peut autant dire que ça n'existe pas, parce que ça ne nous concerne pas. Ouais. Ça n'existe pas parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais tantôt tu expliquais ce qui se produit pour une personne qui est hautement évoluée lorsqu'elle quitte cette terre. Parce que celui qui a peur... Si on prend par exemple le comte de Saint-Germain, il avait accès à toutes ses mémoires. Mm-hmm. Parce que c'était la même personnalité comme le Dalai Lama. C'est ça. Alors, ce que je veux en venir, c'est que la réincarnation, telle qu'on nous l'a enseignée, existe, mais seulement que... Pour les gens qui sont hautement évolués. C'est ça. Mais comme on la connaît, nous autres, là, on pense que c'est la même chose pour nous autres, mais c'est pas la même chose. Ça peut pas être la même chose pour nous autres. Parce que de toute façon, si tu regardes le nombre de milliards de personnalités qui ont existé sur la Terre depuis le début, disons, parlons de, je sais pas moi, un petit peu après l'Australopithèque, ben si tu regardes toutes les personnalités qui ont existé jusqu'à aujourd'hui, puis si tu regardes le nombre de véhicules terrestres qui existent pour pouvoir les porter, ben il y en a un maudit qui sont sur la liste d'attente, qui devait attendre dans ta barouette pour se réincarner, parce qu'il y en a des milliards d'êtres humains qui ont vécu, puis là, on est juste 4 milliards sur la Terre. Fait qu'il y en a un maudit paquet qui cogne aux portes, qui veulent se réincarner. Mais ça serait absolument illogique. Ça se pourrait pas. Mais ça se peut pas non plus, c'est pas ça non plus. Alors, tout le monde se réincarne, veut dire, de plus en plus, tu as d'individus humains, parce que de plus en plus, tu dois pouvoir spécialiser tes expériences, puis tout d'un coup, tu vas avoir le schéma astral complet qui va pouvoir être habité dans des véhicules. On approche de la limite, là, quand même. Okay. Alors ça, c'est au niveau du corps astral. Au niveau du corps éthérique, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le même phénomène qui se reproduit? parallèlement ou bien si le double éthérique, c'est simplement l'entité d'esprit, la monade, qui prend la forme approximative de l'individu, donc de tous ses corps mental, astral, vital et physique, par moulage, c'est-à-dire qu'elle vient s'imprégner à l'intérieur de l'homme et puis automatiquement, elle prend la forme de l'homme. Mais le double éthérique, tu peux pas... faut pas qu'on s'imagine, on appelle ça double éthérique. Ça, c'est des problèmes de mots. Parce qu'à l'origine, en ésotérique, l'éthérique était le corps vital de l'homme. Puis le corps divin était, il était le corps divin. Le corps supramental était le corps supramental. Présentement, il y a une personne qui a commencé à parler du double éthérique, mais qui a pris cette expression-là pour désigner quelque chose d'autre. Dans tous les livres que tu vas trouver au niveau de l'ésotérisme, le corps éthérique, c'est le corps vital. Le double éthérique, c'est le double vital. Puis ça, c'est une affaire qui est absolument stupide et sans dessin, qui est simplement une forme d'énergie magnétique qui garde les formes ensemble. Bon. Mais ce terme-là, on l'a employé dernièrement pour désigner quelque chose d'autre. Alors, ce double éthérique-là, le terme double éthérique, ça acclimate seulement au corps vital. Dans l'éthérique même, il n'y a pas de double comme l'homme l'entrevoit. C'est pas un double, on peut s'amuser à parler de ça. C'est pas le double de ton corps physique. Les seuls doubles physiques que tu as, ça va être le double vital, le double astral, c'est tout. Au niveau mental, c'est plus ça. Tu peux avoir au niveau mental ce qu'on pourrait appeler une espèce de double mental qui va être la similitude avec ton esprit mental. Puis ta forme éthérique, prenons le nouveau terme maintenant pour parler de l'éthérique, donc de quelque chose qui vient de l'éther, qui est divin. Cette partie-là de toi, c'est simplement le travail qui se passe sur la Terre, qui est généré, qui est contrôlé par une partie qui, elle, se passe dans l'éther. Est-ce qu'il y a une individualité ou c'est seulement qu'une universalité dans l'éther, la relation dans l'éther, de l'humain une universalité, avec l'éther? Sauf que cette universalité-là vient entrer en contact avec différentes personnalités qui habitent différents corps, aller jusqu'au véhicule terrestre. Et puis, automatiquement, cette parcelle-là, elle est donc individualisée parce qu'elle est en contact avec une parcelle. Alors, mais toi, lorsque la personne meurt, ça retourne dans l'éther, j'imagine, comme le corps astral retourne même au corps chose. Astral de la planète. À ce moment-là, est-ce qu'il y a une individualité qui est conservée, comme le corps astral de la personne a une individualité dans certains cas? Au niveau du plan éthérique, oui, il y a une individualité, c'est-à-dire une forme qui est conservée pour pouvoir reprendre l'amalgamation des schémas vibratoires astral réincarnatifs qui va vouloir réhabiter sur la Terre, puis elle va revenir là. Il y a une forme de personnalité, mais c'est pas une personnalité dans le sens psychologique où on l'entend. C'est pas tout à fait la même chose. Alors, de cette façon-là, oui, mais ça, c'est pas toi. C'est-à-dire que l'homme ne se réincarne pas. Lui, c'est-à-dire cet esprit-là, cette monade-là, va revenir habiter dans différents corps. Mais ces corps-là, comme tes molécules vont finir par faire d'autres corps, ben tes personnalités astrales aussi, puis ta personnalité mentale aussi. Alors, c'est un parallèle avec le corps astral de la planète. Oui, on enseigne, c'est ça. Universellement et individuellement. Les choses tout seules, là, dans l'univers, il n'y en a pas. L'air touche au vert, puis le vert touche à l'eau, puis l'eau touche au vert, puis le vert touche à l'air. Puis les relations électromagnétiques qui existent entre ces choses-là sont les mêmes. L'eau qui est à l'extérieur, dans le verre ici, c'est pas moi. Quand je l'ai bu, c'est moi. Mais ça, c'est impsychologique, ça. Ça devient mon sang. Ça va dans mes cellules. Mais c'est impsychologique. Quand je me baigne dans l'eau puis que je plonge sous l'eau, les relations électromagnétiques qui existent entre le liquide à l'intérieur et le liquide à l'extérieur de ce que moi j'appelle moi sont les mêmes. Le sang coule, il reste pas figé après mes veines. Donc, le sang, c'est un liquide, puis l'eau à l'extérieur coule. Mais c'est moi qui perds, à cause de ma psychologie, je vois une forme puis je délimite l'air que je respire à l'intérieur, les molécules d'oxygène à l'extérieur puis ceux qui sont à l'intérieur. Ils ont les mêmes relations électrochimiques. Sauf que moi, je délimite simplement que ça, c'est moi puis ça, c'est pas moi. Mais c'est juste une illusion psychologique. Il n'y a rien qui est séparé dans l'univers. C'est toute la même chose. Puis nous autres, justement, on vit dans une individualité psychologique qui est une illusion, qui est une farce. Puis ça, ben, à un moment donné, ça finit par disparaître. Puis l'état de conscience, quand t'as grandi, c'est ça qui disparaît. Je le dis assez souvent, tu peux pas devenir Dieu en étant toi. Parce que si t'es toi, tu peux pas être l'autre. Tu t'en sers comme miroir de Dieu, puis tu regardes, ça c'est Dieu, puis je me vois dedans, donc j'existe. Mais t'existes, mais tu restes avec toi. Puis en réalité, ce que tu sais pas, c'est que t'es pas toi. La feuille qui pense qu'il y a l'arbre en entier, ben, elle a beau penser ça tant qu'elle veut, mais elle n'est pas l'arbre en entier. Puis si la feuille décide de vivre rien que pour elle, ben, si l'arbre meurt, la feuille, elle tombe, c'est pas bien long. Mais si la feuille décide qu'elle est l'arbre, puis elle n'a pas d'orgueil, parce qu'il ne faut pas être d'orgueil pour décider que tu n'es plus toi, ta personnalité disparaît, ben là, l'arbre, il va être capable de vivre. Puis si les feuilles décident de tomber quand ça le tente, pousser quand ça le tente, ça marche plus fort. Alors, ce qui arrive, c'est ça, c'est que nous, on croit qu'on voit une espèce de délimitation. On voit une distance entre l'extérieur et nous autres. Mais cette distance-là, même aujourd'hui, scientifiquement, on peut bien voir qu'elle n'existe pas. Psychologiquement, elle est là. Puis la psychologie, c'est là le problème. C'est notre astral le problème. C'est notre âme le problème. Il est même trop sale. Quand il va être purifié, il va être correct. Ton explication de la réincarnation, je pense, rejoint très bien ce que le Nazaréen voulait dire quand il disait « nous rejoignons tous dans l'au-delà ». Oui. De toute façon, la réincarnation religieuse, le Nazaréen donne différents exemples de réincarnation. Et puis, les morts qui vont tout revenir à la fin des temps, tu sais, il y en a beaucoup qui pensent que de leur tombeau, ils vont ressortir, là, puis qu'ils vont trouver que la mode a changé. Mais, tu sais, la réincarnation, c'est une chose, la venue des corps à la fin des temps, c'est faisable. C'est faisable, c'est pas faisable. C'est ce qui va arriver, mais pas comme on le pense. C'est-à-dire que toi, tu meurs. 3000 ans après, arrive sur la Terre l'instauration, disons, du paradis terrestre. Je vais donner un exemple. Là. La fin du millénium, dans 13 000 ans du site. Bon. Mais là, il faut, selon ce qui était enseigné, mais c'était enseigné pour les individus qui pouvaient comprendre ça quand même. C'était très, très schématique. Toutes les morts vont revenir, puis selon ce qui ont été jugés, etc. Toutes les personnalités de ces morts-là, qui se réincarnent successivement dans l'humanité entière, tous les fois, bien, c'est évident que quand tout le monde va arriver au paradis terrestre, bien, qu'ils vont tous être là. Mais à l'intérieur de chaque individu qui vit là, ils n'iront pas chercher leur corps pour arriver là. Tu te vois-tu, toi, Christy, t'es un pirate, il te manque une jambe, un bras, un œil. Là, c'est le paradis terrestre, tu vas chercher ton corps, t'arrives, il te manque encore une jambe, un bras, un œil, puis t'appelles ça le paradis terrestre. Tu n'iras pas chercher ton corps. Les personnalités se réincarnent comme présentement. Ce qui fait que tous ceux qui sont morts avant vivent à l'intérieur de nous autres. Puis nous autres, on vit à l'intérieur de nos enfants. C'est pas une philosophie, c'est une réalité. Puis quand on meurt, ben c'est la même chose. Ça reste au niveau de la planète, puis tout d'un coup, ben il y a une personnalité similaire à moi qui réapparaît. Jusqu'à temps que moi, par mon évolution, puis quand je dis moi, l'esprit réussit à traverser mes corps de plus en plus denses, finit par les faire vibrer d'une façon intelligente, une façon efficace, une façon qui va... Je ne serai plus un paquet de réactions face à l'univers. Moi, tu vas commencer à faire partie de l'action de l'univers. Ben là, automatiquement, je ne pourrais pas mourir. Là, m'emmener mon corps avec moi dans ma tombe, dans ma mort. Je mourrai pas comme on le voit présentement. Mes personnalités vont rester là jusqu'à temps où ce que là, je décide de faire une réincarnation fusionnelle. Un autre individu qui n'est jamais mort. Puis là, ben, à un moment donné, ben, c'est ça. Il y a une fusion puis un changement total d'univers. Ça, je vais l'expliquer brièvement avec un exemple terrestre. Toi, tu vis, tu es une entité absolument parfaite, tu arrives à une évolution totale, mais tu amènes ton corps avec toi, donc tu ne meurs pas. Tu t'en vas dans des sphères différentes, tu te promènes, tout d'un coup, tu rencontres une autre entité absolument hyper évoluée comme toi. Pour vous fusionner ensemble, vous commencez à grandir, à grandir, à grandir, à grandir, puis tout d'un coup, vient au monde un enfant. Alors, disons que tu... À force d'évoluer, tu es arrivé à être, prenons l'exemple terrestre, un spermatozoïde, l'autre c'est un ovule. En se fusionnant, où est-ce qu'ils vont apparaître? Ben, ils apparaissent dans un univers où ce qu'avant ces autres-là, ben là, ils se rendent compte que les atomes qui fabriquent leur corps, c'était sur ça qu'ils vivaient eux autres avant. Alors là, il y a une réincarnation fusionnelle, puis dans un univers les planètes qu'on voit, là, c'est peut-être l'œil de quelqu'un, ça. Alors, ça, c'est une réincarnation fusionnelle. Quand toi, tu finis par être sortir du schéma de réincarnation continuelle, ben tu finis justement par faire des choses sur la Terre pendant un certain temps, jusqu'à temps que tu rencontres l'âme sœur, tu puisses fusionner, puis là, automatiquement, ben, tu disparais d'ici. Alors, ça, c'est la réincarnation fusionnelle. Il n'y a personne qui a vécu ça jusqu'à date. Ben, on l'a vécu là, bien longtemps, là, quand on venait d'ailleurs. OK, on arrête sur ça, Daniel. On prend une pause. Et puis, dans la deuxième partie, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire et lisiblement, clairement, s'il vous plaît, parce que des fois, on a de la difficulté à les lire. Puis, j'ai de l'air d'un gars qui ne sait pas lire à ce moment-là. Alors, on arrête pour une pause et puis on revient dans la deuxième partie.